بسم الله الرحمن الرحيم فبالأمس أخذنا ماذا بارك الله فيكم شيئا من مقدمتنا من هذا الكتاب une introduction qu'on a apportée par rapport à ce livre qu'on a présenté ainsi que l'auteur brièvement et la raison de la raison qui l'a poussé à écrire cette risala. اليوم إن شاء الله on va lire la muqaddima de l'auteur, yani en partie, partiellement, biznillah. Qala rahimahullah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashraf anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Thumma qala. فهذه بعض المعالم عن دعوة السنة والجماعة هذه الدعوة المباركة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دعوة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Voici certains signes de cette دعوة des gens de la sunna et de la jama'a qui est la دعوة مباركة celle qui est la دعوة du message d'Allah صلى الله عليه وسلم celle des sahaba et celle des tabi'in génération d'après les sahaba ceux qui l'ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au jour du jugement. وإن كانت دعوة أهل السنة والحمد لله قد عرفها الناس أنها دعوة خير ورحمة وعرفها القاضي والداني بما فيهم إخواننا المسؤولون وفقنا الله وإياهم لكل خير وعلى رأسهم الرئيس علي بن عبد الله الصالح حفظه الله تعالى ورعاه الذي انتشرت السنة في عهده. الذي منه malgré tout cette دعوة et la longitude à Allah, les gens l'ont connue. Elle est connue. Que c'est une da'wah de bien et de miséricorde. Et toute personne l'a connue. Et même parmi les dirigeants, même les dirigeants de notre pays, eux-mêmes, qu'à leur accord de succès, ils ont connu cette da'wah. Et à leur tête, le président qui est Ali ibn Abdullah ibn Salih. C'était le président à l'époque. Où l'auteur a écrit cette risala. Et il dit que c'était également à son époque que la sunna s'est propagée. À l'époque de Ali ibn Abdullah ibn Salih, qui a été tué dernièrement par les Houthis, comme cela a été annoncé officiellement par les médias. Naam. فقد قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ما انتشرت السنة بمثل ما انتشرت في عهد الأخ الرئيس حفظه الله. Que le Cheikh Moukbil, il a dit que la da'wah ne s'est pas propagée, c'est-à-dire au Yémen, comme elle s'est propagée à l'époque justement de ce président qui a été très clément vers cette da'wah qui a laissé se propager. Non. Et qui a laissé Cheikh Moukbil pour pouvoir enseigner, étudier librement comme bon lui semblait. Quand là, فَقَدْ عَرَفُوهَا تَمَامَ الْمَعْرِفَةِ أنها دعوة مباركة ودعوة نعمة ورحمة للمجتمع ككل وليس فيها ثورات وليس فيها انقلابات وليس فيها تفجيرات وليس فيها اغتيالات وليس فيها انتخابات وليس فيها مظاهرات ومسيرات وليس فيها اضطرابات وليس فيها اعتصامات وليس فيها مزاحمات على المناصب والكراسي. Donc ils ont su, ces dirigeants, la valeur de cette da'wa. Quelle est une da'wa mubaraka, une da'wa de qu'elle est un bienfait d'Allah Azza wa Jal pour la société. Qu'il n'y a pas de manifestation, qu'il n'y a pas de soulèvement, qu'il n'y a pas d'attentat suicide, qu'il n'y a pas de meurtre, qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas de manifestation et qu'il n'y a pas de choses comme les grèves ou ce genre de protestations ou les sittings ou qu'il n'y a pas non plus également d'ameutement, comme on dirait, aux portes ou plutôt pour obtenir des postes gouvernementaux et des sièges au Parlement, ce genre de choses. وَالْوَاقِعُ شَهِدٌ بِذَلِكَ أَنَّهَا دَعْوَةٌ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُرَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى. Et donc, il dit que l'actualité est le plus grand témoin de cela, que c'est une da'wah qui appelle du livre d'Allah Azza wa Jal pour retourner au livre d'Allah Azza wa Jal et qui provient de la sunna du message d'Allah Sallallahu Alaihi Wasallam pour appeler à cette sunna. ولما كان بعض الناس قد عرف حقيقة هذه الدعوة المباركة بسبب تلبيس ولما كان بعض الناس ما قد عرف حقيقة هذه الدعوة المباركة بسبب تلبيس أهل الباطل ومحاربتهم لهذه الدعوة وقلبهم للحقائق بسبب كثرة الفرق الإسلامية الموجودة في زماننا التي كل منها تدعي أنها على الحق كما قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وصار الحل هذه الفرق كما قيل وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك Donc il dit, et du fait que certaines personnes n'ont pas connu la réalité de cette da'wah, Mubaraka, du fait que beaucoup de gens trompent parmi les gens du faux, et du fait que ces gens du faux, combattent cette da'wah, qu'ils en retournent les réalités, et la font passer pour ce qu'elle n'est pas. Et cela à cause de la présence de beaucoup de groupes islamiques présents à notre époque. Et chacun de ces groupes prétend être sur la vérité. Comme le dit Allah dans le sens où Azawajal dans son livre, et qu'ils ont divisé leurs affaires et que chaque parti était content de ce qu'il possédait. Surat al-Mu'minun, verset 53. Et également, que la situation de ces groupes est devenue telle que le poète l'a dit dans des vers de poésie, Naam, que chacun prétend appartenir ou revenir à Leïla, qui est une femme, alors que Leïla ne l'aura pas reconnu cela. C'est une image donnée. Il faut dire que beaucoup de gens prétendent des choses, d'accord ? Mais ces choses-là, en elles-mêmes, ne leur reviennent pas. قال ولا تجد فرقة من هذه الفرق إلا وهم يدعون أنهم على الصراط المستقيم فلذلك فرعون لعنه الله الذي يقول أنا ربكم الأعلى Donc, tous ces groupuscules, tous ces groupes, toutes ces sectes prétendent tous être sur la voie droite. Pharaon lui-même, qu'Allah le maudisse, a essayé de faire cela. Dans le sens où Allah a dit, je suis votre Seigneur le plus haut. Il a dit à son peuple, et je ne fais que vous guider vers le chemin droit. Surat Ghafir, verset 29, et ainsi de suite. Donc il a dit que Pharaon s'est fait passer comme étant la personne de droiture. Comme étant celui qui exhorte, celui qui rappelle et qui a peur pour la religion. Min Moussa an yubaddilahu, qui a fait peur, qui a fait croire aux gens que Moussa est venu pour changer leur religion. Donc Pharaon a menti et a trompé les gens en se faisant passer lui comme étant le bon et en faisant passer Moussa alayhi salam comme étant le mauvais. Ma'ana Moussa wa Sadiq al-Bar al-Rashid wa Pharaon la'anahu Allah wa al-Kadhdhab al-Muftari fa ad'awa kathira. Donc il veut en venir au fait que beaucoup de gens prétendent beaucoup de choses et ce n'est pas toute personne qui prétend une chose qui forcément détient la vérité. Naam. Donc de là, cela l'a poussé à écrire cette risala. قال ومن أجل هذه الشبهات والدعايات الكاذبة على دعوة أهل السنة كتبت هذه المعالم عن الدعوة المباركة. Donc il dit à cause de toutes ces causes que les gens aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus, ne savent plus où donner la tête, comme on dit, car ils voient tellement de choses devant eux. Un tel, il se dit sur la vérité, un tel se dit sur la vérité, un autre sur la vérité, alors que c'est tous divisés. Les gens se disent, mais où est la vérité ? Donc pour cela, l'auteur a décidé de montrer les signes de cette da'wah mubaraka, afin que les gens puissent la distinguer, la reconnaître, et par la suite la suivre, bi'iznillah ta'ala, et être parmi les gens du bonheur en ce bas monde. Wa fil akhirah kadhalik. Donc voilà la muqaddima de l'auteur explique bien pourquoi il écrit cet ouvrage. Naam. Et on a pris de façon parcellée, résumée, bien évidemment, des passages ont été sautés, mais ils viennent tous au même sens. Naam. Fanaktafi bihadha al-qadr al-yawm wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.